Chapitre 37e. Pour savoir d'où venait Baccarat, pour expliquer comment, elle qui n'avait jamais vu Armand, elle arrivait ainsi chez lui, il faut nous reporter au cœur et à l'heure où elle avait été conduite à Montmartre par l'ancien clerc de notaire malheureux que Sir Williams venait de convertir en médecin. On s'en souvient, Baccarat se trouvait placé entre sa femme de chambre et le faux docteur lorsque ce dernier lui dit « Nous allons à Montmartre, chez le docteur Blanche ». L'impression que ces paroles, on le devine, produisirent sur la courtisane fut foudroyante. D'abord, elle ne trouva ni un mot, ni un cri, ni un geste, et elle demeura comme atterrée, tant cette accusation de folie qui se prolongeait devenait terrible. Puis, ce premier étourdissement, cette première prostration dissipée, elle voulut parler, appeler au secours, s'élancer hors du coupé au risque de se tuer. Mais le faux médecin l'arrêta en la saisissant par le bras et lui dit froidement « Choisissez !» La maison de fou ou la cour d'assises ? Ce mot de cour d'assises épouvanta Baccarat et étouffa ses cris. La cour d'assises, moi ? Murmura-t-elle, éperdue, la cour d'assises ? Sans aucun doute, répondit le petit homme avec un sourire ignoble. Je n'ai commis aucun crime, je n'ai pas fait de mal, balbutia-t-elle, anéantie. Vous vous êtes rendu coupable d'un vol ? Jamais, jamais. Vous vous trompez, ma petite. Vous êtes complice du vol d'un portefeuille contenant 30 000 francs. « Moi ? Moi ? » s'écria-t-elle avec un accent étrange. « C'est faux ! Jamais, jamais !»« Ce portefeuille, poursuivit froidement le faux docteur, a été volé par Fernand Rocher, votre amant. Fernand Rocher a été arrêté chez vous. »« Mais c'était donc vrai ? » s'écria-t-il. « Il a donc volé ?»« Ma chère, dit le petit homme, qu'il a volé le portefeuille ou qu'on l'a mis dans sa poche, il n'est pas moins vrai qu'en ce moment même, la justice fait une perquisition chez vous et que le portefeuille va être retrouvé. Chez moi ? Le portefeuille est chez moi ? Oui, dans la poche de son paletot et le paletot est dans votre chambre. Baccarat laissa échapper une exclamation étouffée et murmura affolé. Mon Dieu, je crois que je vais mourir. En ce moment, le coupé s'arrêta. Une tête apparut à la portière, c'était celle de Sir Williams. L'anglais souriait à la courtisane de ce rire froid et moqueur qui glace les plus forts. « Ma petite, dit-il, tu es une fille d'esprit et tu seras sage, j'en suis convaincu. » La pauvre fille le regarde avec une stupeur pleine de mépris. « Je savais bien que c'était vous, dit-elle, vous êtes un misérable. »« Fanny, dit le baronnet à la femme de chambre, monte sur le siège à côté du cocher et cède-moi ta place. » La souveraine obéit. Et le baronnet se plaça à côté de Baccarat, qui n'eut pas même la force de le repousser. « Ma chère enfant, dit-il, « tu es une charmante fille et Dieu m'est témoin que je ne te veux pas le moindre mal. Seulement tu me gênes pour quelques jours. Après m'avoir été très utile, tu pourrais me nuire au dernier moment, et c'est pour cela que je prends mes précautions. Me comprends-tu ?»« Je ne vous ai jamais fait de mal, » murmura-t-elle. « Ma chère biche, » poursuit le baronnet, « au fond, je t'aime beaucoup, et je ferais de toi ma maîtresse en sourcier si je n'avais d'autres occupations. Mais des circonstances graves, d'importants intérêts, me force à me garer de toi, pour le moment du moins, et à te mettre provisoirement à l'ombre. « Mais je n'ai pas volé, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas volé le portefeuille. Soit, mais le voleur a été trouvé chez toi. »« Oh, infamie, » dit-elle, « il est innocent. »« C'est encore possible. Seulement, il est nécessaire à mes projets qu'il soit trouvé coupable. »« Mais je ne veux pas, moi. Je vous démasquerai. Vous êtes un infâme. » s'écria la jeune fille indignée. « Tara !» Voilà que tu vas crier et faire des sottises. Tu dirais à l'univers entier qu'il n'est pas coupable, que du moment qu'on a trouvé le portefeuille chez toi, ce serait comme si tu chantais. Il y a mieux, tu serais complice, et je n'aurais qu'à dire un mot. Baccarat fondait en larmes. Ainsi, dit Sir Williams, voilà qui est bien convenu. La maison des fous ou la cour d'assises. Tu vas être bien sage, tu ne te fâcheras pas trop fort, tu seras raisonnable, enfin. Et dans 15 jours, dans 8 jours peut-être, tu rentreras bien tranquillement chez toi, où tu retrouveras tes habitudes, ton amant le baron d'eau, à qui tu as écrit que tu partais pour la campagne. Moi, j'écris au baron ? Certainement, ma petite. C'est fou, je n'ai pas écrit. Cependant, le baron a reçu ce matin une lettre signée de toi, et il paraît que ton écriture était si parfaitement imitée qu'il n'a pas eu le moindre soupçon. Ah, démon ! Murmura la jeune femme, qui comprit qu'elle était tout entière au pouvoir de Sir Williams. Et que le seul homme qui pourrait s'inquiéter de son absence, se mettre à sa recherche, la protéger, la défendre, cet homme ne s'occuperait pas d'elle, fidèle en cela à ces traditions de négligente indifférence des jeunes gens à la mode pour tout ce qui n'est point chevaux de race ou courses de haies. Le coupé venait de s'arrêter à la grille de la maison d'aliéné. « C'est convenu, n'est-ce pas ?» dit Sir Williams. « Tu seras sage. »« Fernand ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Il ira donc aux assises, lui ? Il sera donc condamné ?»« Je pourrais bien ne pas te répondre, ma fille, mais je veux être bon diable et te rassurer un peu. Écoute bien. Fernand est accusé, convaincu de vol, ceci est sûr. Mademoiselle de Beaupréau cessera donc de l'aimer et m'épousera. Et après ?» demanda Baccarat avec anxiété. Après, je prouverai clair comme le jour que Fernand est innocent. Baccarat poussa un cri de joie. Mais comment ? Dit-elle. Ceci est mon secret. Et Fernand sera libre ? Libre de t'épouser, ma petite. Sir Williams paraissait sincère. Baccarat reprit quelque espoir. D'ailleurs, toute résistance devenait impossible pour elle devant cette épée de Damoclès que l'Anglais suspendait sur sa tête. Elle courba le front et se résigna. « Faites ce que vous voudrez, » dit-elle. Le cocher venait de sauter à bas de son siège et sonnait à la grille. Deux gardiens vinrent ouvrir. « Ma fille, » souffla Williams à l'oreille de la courtisane, « garde-toi de faire trop de folie. Tu es ma maîtresse ici, et tu ne dois pas me contredire. » Le coupé entra dans la cour. Sir Williams en descendit et referma la portière, laissant Baccarat sous la garde du faux docteur. Puis il se fit conduire auprès de l'économe de la maison, lequel, on le sait, inscrit les malades, perçoit un mois de pension d'avance, en donne un reçu au correspondant qui les amène, et toutes ces formalités remplies, le malade est conduit dans son nouveau logement. « Monsieur, » dit le baronnet, qui sut donner à son visage les apparences d'une tristesse profonde, « je viens remplir ici le plus pénible des devoirs. Je vous amène une pauvre femme qui vient de perdre la raison. »« Bien, très bien, » dit l'inconnu, habitué à ces sortes d'entrées en matière. Il releva ses lunettes sur son front, prit sa plume derrière l'oreille et la tailla à l'œil nu, selon l'usage des gens qui portent des lunettes et les ôtent et les relèvent chaque fois qu'ils ont réellement besoin de voir. « Le nom de la malade ? » dit-il. « Anaïs Heurtier, » dit Sir Williams. « Son âge, s'il vous plaît, 22 ans. » « Après ?» fit l'économe en inscrivant méthodiquement sur son registre l'âge et le nom de la nouvelle pensionnaire. « Son dernier domicile ? Rue Godot de Mauroy, numéro 7. » Sir Williams donnait un faux nom et une fausse adresse, dans l'unique but de dépister la police elle-même, au cas où celle-ci éprouverait le besoin d'arrêter Baccarat. « Monsieur, » dit l'économe, « il y a ici des pensions de différents prix. Je le sais, monsieur. Nous avons des dortoirs communs, des salles où les malades sont deux par deux, enfin les pavillons où ils ont des logements séparés de une ou plusieurs pièces. « Monsieur, » dit Sir Williams, « vous êtes homme et on peut vous avouer bien des choses. » La jeune femme dont il s'agit est ma maîtresse. Je suis riche et j'entends qu'elle soit traitée avec les plus grands égards, peu importe à quel prix. Alors, dit l'économe, on va lui donner un appartement au fond du jardin. Il se compose d'un petit salon, d'une chambre à coucher, d'un cabinet de toilette. Il y a un piano, ajouta le grave personnage, du ton d'un opulent propriétaire qui fait valoir son immeuble. C'est parfait, monsieur. Un médecin visite les malades 2 fois par jour et même 3 si leur état l'exige. 2 femmes sont mises à la disposition du sujet et couchent près d'elle. Cette dame aura la faculté de se promener dans le jardin réservé et n'y rencontrera que des folles convenables et de mœurs fort douces. Continua l'économe avec complaisance et comme un restaurateur dressant une carte à payer s'amusera à détailler les hors-d'œuvre en lettres majuscules. Le prix de cette pension exceptionnelle est de 20 francs par jour. Sir Williams présenta un billet de 1 000 francs à travers le guichet. L'économe rendit 20 louis, donna un superbe reçu d'une belle écriture bâtarde et sonna. « Conduisez la dame qu'amène monsieur, » dit-il aux infirmiers, « dans le fond du jardin, pavillon B, l'appartement numéro 3. » Et l'économe remit ses lunettes sur son nez, sa plume derrière l'oreille et salua Sir Williams. Le baronnet rejoignit la voiture dans laquelle Baccarat, ému et pâle, attendait, comme doit attendre le condamné à mort dans la charrette qui le mène au supplice. Fanny, fidèle à son rôle, pleurait à chaudes larmes et tenait à côté du cocher son mouchoir sur ses yeux. Sir William s'ouvrit la portière et donna la main à Baccarat qui descendit sans résistance. « Tu t'appelles Anaïs Heurtier, » dit-il tout bas. « Tu habites rue Godot de Mauroy numéro 7 et tu as perdu la raison à la suite d'une violente discussion que tu as eue avec une de tes amies, la Baccarat, dont tu aimais l'amant. Ta folie consiste à te croire la Baccarat elle-même, comprends-tu ? Vous êtes un démon. » murmura la jeune femme d'une voix brisée. « Soit, mais songe à la cour d'assises. » Et Sir Williams dit tout haut, « Allons, ma chère Anaïs, prenez mon bras et venez voir le petit hôtel que je vous ai acheté. » Il parlait ainsi pour donner le change aux infirmiers qui le précédaient, et comme on s'y prend habituellement pour introduire un malade dans une maison d'aliénés en lui déguisant l'affreuse vérité. L'hôtel, poursuivit-il, avait des locataires quand je l'ai acquis. J'ai donné congé à tout le monde, mais il vous faudra subir leur voisinage pendant un terme encore. Et provisoirement, du moins, vous pouvez, il me semble, habiter un délicieux pavillon au rez-de-chaussée. Et Sir William s'entraînait baccara muette et stupide. On arriva au pavillon. L'appartement fut ouvert. On y introduisit baccara. L'économe n'avait point trop surfait sa marchandise, en réalité. Le salon était joli, bien meublé, ouvrant par deux grandes fenêtres sur le jardin. La chambre à coucher, plus grande que le salon, était fraîchement décorée. Une femme moins habituée au luxe que ne l'était baccara aurait trouvé ce logis plus que convenable. Deux femmes, ni jeunes ni vieilles, d'une propreté parfaite et d'une véritable politesse de domestique, accoururent prendre les ordres de la nouvelle pensionnaire, et l'une dit tout bas Sir Williams, « Le médecin viendra tout à l'heure. Monsieur ne désirerait-il pas le voir d'abord ?»« Certainement, » répondit Sir Williams. Il mit un baiser sur le front de baccara et lui dit, « Je reviens, cher ami. Je vais voir où sont les écuries qu'on répare. Viens, Fanny. » Fanny prit la main de sa maîtresse, la baisa avec effusion et suivit Sir Williams en continuant à pleurer. Le baronnet fut conduit chez le docteur de service. « Est-ce vous, monsieur ?» demanda celui-ci. « Est-ce vous qui avez amené cette jeune femme à qui je viens de voir traverser la cour ?»« Oui, monsieur. C'est une pauvre enfant que j'aime, » murmura Sir Williams avec émotion. « Quel est son genre de folie ?» Sir Williams feignit un grand embarras. « Monsieur, vous comprendrez qu'il est de pénibles, de cruels aveux. Anaïs m'a trompé. » Le docteur regarda le baronnet et se fit sans doute cette réflexion que la jeune personne était difficile, de ne point aimer un homme jeune, beau garçon et qui paraissait fort distingué. Cependant, il dit avec un sourire, « C'est évidemment là, monsieur, une grande preuve de folie, mais entre nous, s'il n'y a que celle-là, je ne vois pas ce qui peut nos soins. « Monsieur, » dit le baronnet avec amertume, « ce n'est point en cela qu'elle a été folle, mais pardonnez-moi d'entrer dans de fastidieux détails, c'est absolument nécessaire. Je vous écoute, monsieur. » Cette jeune femme se nomme Anaïs Sortier. Je l'ai connue petite ouvrière, je l'ai aimée, je lui donne les chevaux, voiture, une faute impardonnable quand on va être aimé. Et le baronnet plaça à propos un profond soupir. Or, reprit-il, Anaïs avait une amie, une femme galante, à la mode, qu'on nomme la baccara. « J'en ai ouï parler, » dit le docteur. Sir William s'inclina et poursuivit. La baccara avait un amant, un petit jeune homme insignifiant, qu'elle aimait à l'adoration, et pour lequel elle trompait un homme distingué, le baron de O. Le docteur s'inclina à son tour. « Ce nom m'est parfaitement connu, » dit-il. « Figurez-vous, monsieur, que cette petite sotte d'Anaïs est devenue amoureuse, amoureuse folle de ce jeune homme, et m'a trompé pour lui. »« Bien, » dit le docteur. Mais la baccara est une fille d'esprit. Furieuse d'avoir perdu son amant, elle a voulu le reprendre, et elle a employé un assez singulier moyen. Le docteur regarda Sir Williams avec curiosité. Il y a quelques jours, un matin, deux amis de la baccara ont pénétré dans la chambre d'Anaïs, où l'amoureux se trouvait. Se sont donnés pour un commissaire de police et un agent, et ont arrêté le jeune homme en l'accusant de je ne sais plus quel crime. Voilà qui est hardi, et aurait pu être puni sévèrement, dit le médecin. Sans doute, monsieur. Mais le châtiment n'aurait pas empêché le malheur. La vue de ces hommes, qu'elle a pris pour de véritables agents de police, lui a occasionné une révolution dans le cerveau et elle est devenue folle. Or, sa folie consiste à se croire par instant la baccara elle-même, à prétendre qu'elle demeure rue Moncey et à vouloir tirer de sa prison son nouvel amant, qu'elle m'accuse, moi qui l'aime et à qui elle doit tout, de l'avoir fait mettre en prison en l'accusant d'un vol dont il n'était pas coupable. Depuis combien de jours est-elle folle? Depuis 3 jours. « Quelle est cette fille ?» demanda le docteur en apercevant Fanny qui continuait à tenir son mouchoir sur ses yeux et à manifester une grande douleur. « C'est la femme de chambre d'Anaïs, monsieur, une fille qui lui est très attachée et qui éprouve une violente douleur d'être obligée de s'en séparer. Ne pourrait-on pas la lui laisser ?»« Je ne vois pas cela un grand inconvénient, » dit le docteur. « Cette dame sera peut-être plus aisée à guérir, si on laisse auprès d'elle la femme habituée à la servir. » Fanny poussa un cri de joie, le cri convenu entre elle et Williams, qui ne se fiait pas entièrement à la maison de santé pour garder baccara, et tenait à placer auprès d'elle un gardien plus vigilant encore. « Ma fille, » dit le baronnet en sortant du cabinet du docteur, « tu vas rester ici. »« Oui, milord. et tu veilleras sur ta maîtresse comme sur la prunelle de tes yeux. Oh, soyez tranquille, dit Fanny. Si elle s'échappe, il n'y aura pas de ma faute. Et Fanny se prit à sourire à travers ses larmes feintes, de ce sourire bas et cruel des domestiques, devenus les bourreaux de leur maître. Ils retournèrent au pavillon. Barbara était seule. Les deux infirmières s'étaient retirées. Assise sur un canapé, la tête dans ses mains, la jeune femme était en proie à une sombre prostration. Elle s'aperçut à peine de la présence de Sir Williams. « Chère madame, lui dit le baronnet, au lieu de vous laisser abattre ainsi, prenez donc patience. D'ailleurs, il me semble que votre prison n'est pas trop désagréable. » Baccarat ne répondit point. « Voici Fanny, continua Sir Williams, qui demeure avec vous. J'ai pensé qu'il vous serait agréable de conserver votre femme de chambre. » « Un espion, murmura Baccarat d'un ton de mépris. Il tourna le dos à Sir Williams. Le baronnet se retira. « Je reviendrai vous voir demain, dit-il en s'en allant. » Sir Williams était à peine sorti que le médecin entra. Le médecin était un homme jeune, intelligent, au fond grave cependant, comme il sied à ceux qui ont pâli durant de longues minutes sur des livres et ont interrogé les arcanes de la science. Il congédia Fanny d'un geste et salua Baccarat. « Pardonnez-moi, madame, lui dit-il, de me présenter chez vous sans m'être fait annoncer. » Le docteur, en parlant ainsi, avait l'intention de déguiser, selon l'usage, sa profession à son malade. Mais Baccarat se hâta de lui dire « Je devine l'objet de votre visite, monsieur. Vous êtes le médecin de l'établissement ?» Ce ton calme, cette réponse faite avec douceur et tristesse, firent tressaillir l'homme de science, peu habitué à voir des fous convaincus de leur folie. « Je sais où je suis, » dit-elle encore, « et vous venez voir, sans doute, quelle est ma monomanie, madame, monsieur. » Reprit-elle toujours calme, « je ne commettrai point la sottise de presque tous ceux qu'on vous amène, je ne vous dirai point tout d'abord que je ne suis pas folle. » Le médecin laissa glisser un sourire d'incrédulité sur ses lèvres. « Je tâcherai de vous le prouver. » Le médecin s'assit auprès de la jeune femme et lui prit la main. « Votre état n'a rien de grave, dit-il, et un traitement de quelques jours suffira, je l'espère. » Baccarat tâcha un regard profond, investigateur, sur cet homme qui venait lui prodiguer ses soins pour un mal qui n'existait pas. Il étudiait cette physionomie ouverte et intelligente, ses lèvres un peu fortes qui respiraient la bonté. Il venait de concevoir l'espérance qu'en lui, elle trouverait un protecteur. « Monsieur, dit-elle, pourriez-vous m'accorder une minute d'attention et m'écouter jusqu'au bout ?»« Parlez, madame, je vous écoute. » « N'est-il jamais arrivé, demanda Baccarat, que des êtres parfaitement raisonnables, aussi sains d'esprit que de corps, mais qu'on avait intérêt à faire disparaître, aient été taxés de fous et comme tels enfermés dans une maison de santé ?» Le médecin tressaillit. « Cela a pu arriver, dit-il. Seriez-vous dans le même cas ?» Et l'homme de science, à son tour, examinait la jeune femme avec cet œil profond et clair, les gens habitués à chercher le surindice de la folie dans l'attitude et les paroles les plus sensées. Une autre que Baccarat se fût écriée aussitôt. « Oui, oui, je suis dans ce cas. On a intérêt à me croire folle. » Mais Baccarat avait essuyé ses larmes. Elle était devenue forte, tout à coup, et prudente autant que forte. Elle voulait convaincre le docteur à la longue et non point l'effaroucher. « Écoutez, monsieur, dit-elle, en le faisant asseoir auprès d'elle, et déployant ses câlineries charmantes de la femme habituée à plaire. Je vais vous raconter une histoire aussi extraordinaire, aussi compliquée qu'un drame de boulevard. » « Oh, pensa le docteur, voilà l'indice de folie, c'est incontestable. Le fou aime à raconter et se croit toujours victime d'une persécution quelconque. » Cependant, l'homme de science demeura impassible et prêta complaisamment l'oreille. Alors Baccarat lui raconta de point en point son histoire, depuis le jour où elle avait aimé Fernand, la visite inattendue de Sir Williams et enfin l'arrestation du jeune homme chez elle. Elle s'exprima avec calme, avec esprit, entrant dans de minutieux détails et parlant de toutes les personnes qu'elle connaissait, prêtes à se faire réclamer par elle si le docteur voulait les faire prévenir.